history is not repeated. Just wanna play, just wanna give me a reason. Les vagues restent dures sur la plage. The beat. I'm sorry, you're under arrest, cause you're the best. Under arrest, cause you're the best. You're under arrest, cause you're the best. Push your force, the present does. Bad connection. A good or bad connection. bizarre. Truc de psychopathe. Emotion. Cut. Too much. It got too much. It got too much. It got. I hear just Mac is bass. Don't know if it's normal. Just hear Mac is bass. Yeah. Oui, nous avons peur du futur. Animé depuis un bon moment. Futur. Comme aujourd'hui, vivre demain. Comme aujourd'hui. Mais là, j'ai l'impression qu'on est à géométrie variable. Wait, no. Push your foot. variable. Intégration. Inclusion. Tempo pattern, not the same. D'autres patterns, des trucs de fou, des trucs de dingue. Sac à dos bien chargé. totalement vidé. Tu me laisses. Proposition. Une espèce en évolution. La musique comme thérapie collective. La possibilité de dire des choses qu'on dit pas ailleurs. Qu'on dit pas ailleurs. Qu'on dit pas ailleurs. Donc on dit pas ailleurs. Non, non, qu'on dit pas ailleurs. On non, on non, on non, on ne le dit pas ailleurs. Trop dangereux. You're dangerous, dangerous. Yeah.